Induna palca, to chuj się nie gramy. Popójnia do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest Rennes, le 99e, ça vaut le coup de le dire. Et on va pas prendre de risques, enfin pas tout à fait puisqu'on va aller en Pologne. Salut Souris. Salut Milky, salut tout le monde. Et Bon. oui, bah voilà, on retourne dans un de nos petits domaines, on va dire, habituels, De quoi. prédilection. Ouais, voilà, de prédilection, exactement. Et bon, histoire d'être bien dans la prédilection, on va en Silésie et le groupe s'appelle Boomkier. Voilà, donc bunker, quoi. Ouais. Dans l'esprit de la Silésie, écoute, hein, les mines de charbon, les bunkers, tout ça, quoi. Ils sont de où exactement? Tu me poses la question parce que le nom du bled, évidemment, est complètement super facile, bien sûr, à prononcer, comme d'habitude. C'est Wodzisław Śląski. Donc de Silésie, un groupe de 91 et qui apparemment est toujours plus ou moins actif, quoi. Ok. Et Et du le coup, le morceau. titre, ouais, c'est catholique et entre parenthèses, Niebądź świnia, catholique, ne sois pas un porc. Ça va être chaud, hein, mais... on sent une petite haine. C'était Boomkier avec le morceau catholique Niebądź świnia. Et on va maintenant. Ah oui, ça c'était quoi? C'est la number 3. Non, Voilà. là. C'est là, Noumerché, la cellule numéro 3. J'étais pas là. Eh, j'étais pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Ils sont de Goji Dance. Gros Jones, ouais. Voilà. Presque. un groupe de 85, donc oui, pas d'hier hein, quand même. Et le titre, c'est Che to Vajne, qui veut dire est-ce que ça importe? Czy to ważne, z której strony przyjdzie śmierć? Czy to ważne, jaką flagę będzie nieść? Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, jaka armia wkroczy tu? Czy to ważne, czyja ręka zada ból? Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Nas i was jednakowo boli. Jednych i bogatych. Nas i was jednakowo boli. Mądrych i głupich. Nas i was jednakowo boli. Białych i czarnych. Nas i was. Nas i was. Czy to ważne, kto podpisał pokojowy pakt? Czy to ważne, kto obiecał uratować świat? Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, o czym teraz myśli Bóg? Czy to ważne, jaką śmiercią zginie lud? Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Czy to ważne, z której strony? Przecież jednakowo boli. Nas i was jednakowo boli. Biednych i bogatych. Nas i was jednakowo boli. Mądrych i głupich. Nas i was jednakowo boli. Białych i czarnych. Nas i was. Nas i was. La la la. La la la la. Czy to ważne, z której strony przyjdzie śmierć? Czy to ważne, c'était Sela Numerce avec Che to Vajne. Qu'est-ce que ça importe? Et on va rester dans le vieux son puisque on va aller directement à l'année 77. Ouais, carrément quoi. Donc avec oui un des premiers groupes punk polonais, KSU, dont on a déjà joué quand même pas mal de morceaux. Hein, donc qui sont de Ouchtriki Dolné et le morceau que j'ai choisi c'est Vizier qui veut dire vision au pluriel. Żyje, a wczoraj już nie. C'était les vétérans de KSU avec Vichy. Maintenant, nous allons aller vers du côté de Poznan. Je laisserai Souris vous dire le nom de la ville dans les années 80 avec Naokao Govnie. Gouvnier. Govnie, la science de la merde. Ouais. ouais, donc un groupe de... Catalogue. un groupe de 87 de Nové Tomiš vers Poznan, comme tu disais. Donc, le titre que j'ai choisi, c'est Janek Wiśniewski. Et en fait, c'est un nom qui a été, c'est un nom qui recouvrait l'histoire de Zbigniew Genusz Godlewski, qui était un adolescent polonais qui a été abattu par les forces de sécurité pendant les manifestations polonaises dans les années 70, enfin de 70, pardon, dans la ville de Gdynia. L'événement a été popularisé en fait à travers le pays dans un poème et une chanson quoi, connue sous le nom de La Ballade de Janek Wiśniewski, un nom générique parce qu'en fait le vrai nom de cet étudiant il a été ignoré pendant des années du public, personne ne savait vraiment, en tout D'accord. cas dans les médias, voilà, ça a été caché. Et donc bah, pour donner un nom à ce jeune qui a été tué, bah, les gens ont choisi un nom voilà, un peu commun, on va dire. Pour nous, ça paraît pas très commun. Donc, de Janek Wiśniewski. C'est un peu la balade de Martin Dupont, quoi. C'est un peu ça. Voilà, c'est un équivalent, on va dire, quoi. Ouais. C'était Naoka Ogovni, Gouvnier, j'y tiens. Govnie. Il faut savoir Ouais, prononcer merde en polonais quand bah. même. Govnie avec Janek Wiśniewski. Et on va aller à Warcraft écouter un groupe dont la traduction française c'est Siège de chiottes. Ouais, CEDES. CEDES, ça veut dire en effet un siège de chiottes, quoi. J'ai mis chiottes parce que c'est un nom, un mot assez bon qui est pas un petit peu vulgaire, on va dire. Voilà. Donc D'accord. du coup, je pense que c'est la traduction la plus proche. pour ça. C'est un groupe de 1980, si je ne me trompe pas, ils sont encore en activité. J'ai choisi deux titres parce que bah, en fait, ça pète bien et c'est la première fois, il me semble, qu'on joue de ce groupe-là. Je ne suis pas Ah, sûre moi, ça me qu'on dit ait joué rien du tout, avant. en tout cas. C'est la première Ouais, fois que. voilà. Donc, je pense que. Donc, du coup, pour rattraper un petit peu ça, j'ai mis deux morceaux. Et c'est Nie dotykajcie mnie, qui veut dire ne me touche pas. Et le deuxième, c'est attention, faut que je me concentre. Je garantis pas que le premier mot, je vais y arriver. Vjetche pokutuyemi. Nous nous repentons tous. À savoir que le premier mot, il s'écrit WSZYSCY. Donc, Ah voilà, ça c'est dénonce. pour que les gens se fassent une idée du niveau de difficulté quand même. Wykonać, bo ktoś mi się patrzy w oczy. C'était Cedes avec les morceaux Nye Doti Kanjis Nye et Vichiche Pokutu Yemi. C'est plus facile Pokutu Yemi. Hein. Oui. Et nous allons terminer cette émission du côté de Poznan, de, même de Novi Tomšli. Tomisch, bah, comme Nauka Ogouvni, en fait, ils viennent du même groupe. Du même, pardon. De la même maison. Voilà. L'autre groupe, Nauka Ogouvni, viennent aussi de Nové Tomisch. Et donc, c'est un peu plus récent, alors, vraiment, histoire de dire, quoi, 4 ans plus tard, quoi, 91. Le groupe s'appelle donc Ulechne Opšišek, qui veut dire voyou de la rue. Pareil, j'ai mis 2 morceaux parce que en plus, ça sera très satisfaisant vu les sujets. C'est Zapierdol Fasciskovich Mordetsov, qui veut dire fuck les assassins fascistes. Et le deuxième, Radio Maria, qui est une bonne grosse critique de cette radio de merde ultra-catholique que tu entends partout en Pologne. Voilà. Thank you. pour Uliczne Oprychek avec Zapierdol Faszystowskich Morderkow et Radio Maria. C'était la fin, ça marque la fin de ce 99e épisode. Merci Souris pour la préparation et la co-animation. Merci Milky, merci à tout le monde de nous écouter. Et c'est important de dire à tout le monde que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode le samedi, puisqu'il y en aura un gros, gros, gros le dimanche. Ouais, et pourquoi? Parce qu'on fait notre Centenaire! voilà, notre centième émission, bordel. Ouais! Hein. Ah, j'ai pas de petits trucs pour peut-être pour faire du bruit et tout, mais bon, écoute. Et bah restez à l'écoute car la voix de la Oi, c'est sympa. Salut! Salut tout le monde!